Chapitre 49e. Sauvons la femme. Le colonel de Fongrive avait allumé sa pipe, et sous la lumière de l'ampoule électrique tamisée à une gaze verte, il compulsait ses notes, relisait ses documents, voulait travailler au moins une heure avant de se coucher. Il venait de conduire Madame Garitsa chez elle. Après une soirée de musique, quelques heures passées auprès de cette femme aimée, il voulait rester éveillé pour la garder dans son souvenir encore, pour vivre avec elle en sa pensée, tout en se livrant à une tâche qui lui était également chère. Rien n'est doux pour qui aime comme ne veiller, quand on sait qu'à la même heure, la femme aimée repose. Aucune pensée allant à la femme chérie n'est plus tendre que celle qui vous caresse au moment où l'on se dit que peut-être l'adoré vous voit en rêve. Le colonel voulait savourer cette heure exquise. Les mathématiciens, les hommes d'esprit positif et de cerveau précis, ont le cœur ingénu. Quand leurs manches s'alourdissent de galons, quand leur front élargi s'estompe dans le gris des cheveux, ils gardent leurs illusions du temps de l'école. Ils ont la foi aveugle. Eux qui font tout passer à l'analyse scientifique ou à la preuve des chiffres, ils croient aveuglément à la femme, probablement parce que seul au monde, la femme est au-dessus de toute science et défie toute analyse. Ils l'aiment parce que la femme est l'X le plus complexe de l'univers, le problème qui se présente toujours et ne se peut jamais résoudre. Le colonel de Fongrive, donc, sa bonne et fidèle pipe de travail aux lèvres, s'assit devant ses paperasses couvertes de chiffres, de signes, de traits, ayant adressé un sourire à la photographie de Madame Garitsa, qui, dans un cadre de cuivre, lui souriait près de l'encrier. Il se mit en mesure d'ajouter sur ses papiers de nouveaux chiffres aux chiffres, de nouvelles notes aux notes, de nouveaux signes aux signes mathématiques. Il lui sembla, comme il tenait depuis un moment la tête penchée, qu'un bruit venait de se produire dans son cabinet de travail près de la porte. Le colonel dressa l'oreille. Oui, quelqu'un était là. On toucha la pomme de la serrure, on la tourna, et tout doucement la porte roula sur ses gonds. Le colonel de Fongrive n'était ni nerveux ni poltron. Il ne bougea pas et attendit tranquillement que celui qui ouvrait la porte se montrât pour savoir à qui il avait affaire. Toutefois, il allongea le bras et mit la main sur la poignée d'une épée accrochée à une panoplie derrière lui. Pour lui, il ne craignait rien, mais il avait là des documents précieux qu'il allait probablement être obligé de défendre. Mais une voix dont il reconnut aussitôt le timbre sympathique vint le tirer d'anxiété. « C'est moi, colonel, ne vous dérangez pas. Vous, Paulin Broquet, vous, à 7 heures, chez moi. Oui, colonel. » Le détective entra dans la pièce et derrière lui ferma la porte et pénétra dans le bureau. « Je vous demande pardon, colonel, dit-il, de vous déranger, mais veuillez m'accorder l'hospitalité. Vous êtes l'homme de devoir et vous comprenez déjà que si je me suis permis de pénétrer chez vous sans vous en demander l'autorisation, c'est que mon devoir me force à commettre cette indiscrétion. » Le colonel lui tendit la main. « Non seulement, dit-il, vous êtes tout excusé, mais vous êtes le bien accueilli. » Paulin Broquet, après avoir pris le fauteuil que lui désignait le colonel, ajouta « Il faut que je vous mette tout de suite au courant, que je vous rassure en même temps. Je viens de faire le tour de votre appartement. Personne n'y est caché. Personne n'attend que vous ayez regagné votre chambre, que vous dormiez, pour venir ici piller vos dossiers. Mes mesures sont prises maintenant pour que personne ne puisse pénétrer chez vous sans donner l'alarme. Nous pouvons donc causer en toute tranquillité. On n'agira pas, si toutefois ce soir on doit agir, avant que la lumière de votre cabinet soit éteinte. » Le colonel se mit à rire. « Ils en seront, comme toujours, pour leurs frais. J'ai soin d'apporter, selon vos indications, des documents déjà anciens et qui n'ont en réalité aucune valeur. Voici ceux dont je me suis muni. J'allais précisément les annoter de quelques remarques qui devaient les rendre plus encore inutilisables. » Paulin Broquet dit alors « Eh bien, colonel, je crois que désormais nous n'aurons plus besoin de nous adonner à ce jeu. Hein, pourquoi? Ils ne veulent plus de mes documents? La mèche est éventée. Les Allemands, à qui les espions, les traîtres, vendaient ces documents, ont fait savoir que ces pièces n'avaient aucun intérêt et annonçaient que dès à présent, ils n'en voulaient plus. Alors, les espions qui s'introduisent ici et que malgré toute notre surveillance, toute notre vigilance, nous ne sommes pas arrivés à surprendre encore, vont probablement essayer d'une nouvelle manière. J'en ai eu connaissance par mon service de surveillance, par mes hommes, par moi, qui ai eu cette chance de pénétrer leurs secrets, de surprendre leurs projets. » Félicitations sincères, bien que cela ne m'étonne nullement de vous, de votre talent. Et c'est pour vous dire ce qui va se faire, ce qu'ils vont tenter, que je suis venu en hâte ce soir. Bien. Nous avons eu tort, colonel, de leur donner chaque fois un document concernant le canon Rimaelo, portant un signe. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu qu'il s'agissait là d'une même série de documents, et par conséquent deviné la préparation, l'intention évidente. C'est possible, mais c'est vous qui avez tenu à marquer ces pièces. J'ai eu tort. L'effet a été tout autre que celui sur lequel je comptais. On se trompe parfois. Mais l'erreur est réparable, sans grand effort. Réparable, oui, mais non sans peine. Comment cela ? Colonel, je crois que le meilleur, le plus simple dans le cas qui nous occupe tous deux, est de dire les choses telles qu'elles sont. Vous êtes homme de courage, d'énergie, et vous savez affronter le danger. Vous commencez à m'inquiéter. Parlez. Dites-moi ce qui est. Allez-y carrément, j'aime mieux cela. Paulin Broquet dit alors. Je ne vous apprends rien en vous disant que ces bandits sont capables de toutes les infamies. Non, en effet, je m'en doute. Bien. Alors sachez que les documents qu'ils prenaient chez vous étaient mis là exprès par vous pour qu'ils les prennent. En somme, ils ont voulu savoir où sont les bons, ceux qu'ils tiennent à avoir. Cela, ils ne le sauront pas. Attendez, colonel. Ils se doutent, en effet, qu'ils doivent être bien cachés, mis à l'abri. Parbleu ! Mais vous allez voir le coup infernal qu'ils ont préparé pour découvrir ces documents, pour vous forcer à les laisser voler. Voyons, pour me contraindre à cette infamie, il faut que leur coup soit, comme vous dites, joliment infernal. Il l'est, colonel, il l'est. Après quelques secondes de silence, Paulin Broquet reprit. D'abord, ils vont venir. Selon leur habitude, fouillez chez vous. Quand, comment, je ne sais, mais au moment où, comme toujours, nous ne pourrons nous en douter. Paulin Broquet, il faut le dire ici, avait mis au courant le colonel du vol des documents et fait devant lui les marques au crayon qui servaient ensuite à Madame Garitza pour reconnaître les pièces qu'elle devait livrer au maître. Mais il avait eu soin de faire entendre au colonel que ces documents étaient chaque fois pris par les traîtres, les espions, et chaque fois, lui qui les guettait, les manquait. Il les donnait comme beaucoup plus habiles que lui, et ainsi il détournait tout soupçon de cette infortunée Madame Garitza. Le colonel naïvement s'étonnait de cette incroyable habileté de ces voleurs, parvenant si facilement à le jouer lui, qui veillait, qui avait placé chez lui partout des signes d'alarme, et à jouer également le roi des détectives. Paulin Broquet déclara « Ils ont l'intention de faire chez vous une telle perquisition qu'aucune cachette ne leur échappera. Ils ne se contenteront pas de fouiller dans vos dossiers, sur la table, mais ils vont tout visiter. Ils n'ont qu'à le faire, ils ne seront pas plus avancés. Oui, mais alors voici ce qu'ils ont décidé, et ceci devient plus grave. S'ils ne trouvent rien ici pour savoir où sont les documents ?» Connaissant l'affection sincère et profonde que vous portez à cette charmante Madame Garitza, le colonel tressaillit. « Comment, ces misérables s'attaqueraient à une femme ?»« Colonel, » dit gravement Paulin Broquet, « nous avons affaire à des bandits. Aucune infamie ne les arrêtera pour arriver à leur fin. S'en prendre à une femme qui n'est pour rien dans tout cela, qui ne touche jamais à mes dossiers, qui ne sait même pas ce que c'est, mais c'est odieux. Oui, voici, colonel, quel est leur plan. Ils espèrent, par Madame Garitza, arriver à connaître enfin où sont cachés, gardés, les documents du DR. Du détonateur Rimaelo, les misérables. Et voici comment ils ont l'intention de s'y prendre. Ils vont s'adresser à Madame Garitza, l'effrayer, la menacer, non de la frapper elle-même. Madame Garitza ne leur céderait pas, mais de vous frapper, vous. Vous qu'elle chérit de son côté si tendrement. Oh, les canailles. Madame Garitza, n'est-ce pas, ignore l'importance que peut avoir au point de vue national le détonateur Rimaelo, parbleu. Alors, pour vous épargner tout mal, toute souffrance, pour que ces gens ne vous assassinent pas, elle vous demandera gentiment où se trouvent les documents. Et contre votre vie, elle leur livrera le secret. Le colonel allait protester, mais Paulin Broquet l'arrêta. « Attendez, colonel, attendez !»« Oui, je vois ce que vous allez me dire. Oui, c'est exact. Madame Garitza ne le dira jamais. Non, elle ne me trahira pas. Non, elle ne livrera pas le secret qu'elle connaît déjà. Non, elle ne me déshonorera pas. C'est exact, colonel. Je dois ajouter que déjà, il y a quelque temps, des propositions ont été faites à Madame Garitza, qui les a vigoureusement refusées. Ah, c'est une loyale et fidèle amie. Plus que vous ne le supposeriez, colonel, dit gravement Paulin Broquet. Puis il reprit. Voyant qu'ils n'obtiendront rien de cette façon, ils vont mettre leurs menaces à exécution. Qu'ils y viennent, qu'ils essayent donc de me tuer. Je suis homme à me défendre, que diable. Et vous êtes là, et à nous deux, nous pouvons bien faire face à cette bande de chenapans. Et protéger cette charmante femme. Permettez-moi de poursuivre. Sachant cela aussi, ils veulent agir tout différemment. Et leur dessein est d'enlever Madame Garitza. L'enlever, oui. et de l'emporter dans un de leurs repères, de l'y garder, et de la supplicier lentement, tout en vous faisant connaître à vous le supplice de la malheureuse, jusqu'au moment où la douleur physique triomphera de la volonté, du courage d'une femme, où la douleur morale sera plus forte que la conscience du soldat, jusqu'au moment où l'un ou l'autre, Madame Garitsa ou vous, n'ayez plus la force de garder le secret.